façon c'est clair, on n'aime pas la vie. Oublié par un manque de soucis, à peine éclos, sorti du cauchemar, comme si nous étions des amis. Et pourtant tu ne te soucies même pas de qui je suis. Va faire un tour dans l'escalier, fais gaffe de ne pas te piquer avec une vieille seringue usée. Ici c'est toujours pareil, il y a des gens qui t'appellent, mais on le sait, toi t'en as rien à foutre. Leurs histoires t'embarrassent, occupe-toi de ta femme. Ah, si j'aime la vie, tu me demandes ça à moi. Ah, si j'aime la vie, tu me demandes ça à lui. De toute façon, c'est clair, on n'aime pas la vie. On s'en tape, y a des gens assez cons pour croire que tu existes. Heureusement que tu n'es pas vivant, sinon t'aurais déjà fini comme un mauvais cauchemar, comme une sorte d'envie. Tu vois, chez nous c'est ainsi, toujours réel, toujours en vie. Si seulement c'était si simple, si seulement c'était si simple. Ah, si j'aime la vie, tu me demandes ça à moi. Ah, si j'aime la vie, tu me demandes ça à lui. De toute façon, c'est clair, on n'aime pas la vie.